Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 29 septembre 2016. Voici les grands titres de cette dernière édition. Deux personnes originaires de Mugobokan, commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, sont mortes ce matin à l'hôpital Prince Régent Charles à moins de 24 heures après leur admission à cet hôpital. Leurs voisins soupçonnent l'apparition du choléra sur leur colline. Le Haut Commissariat pour les réfugiés fait état de 20 000 personnes ayant fui le Burundi au cours des mois de juillet et août dernier, précisant que la majorité proviennent de 5 provinces, dont la mairie de Bujumbura. Le gouverneur de Rumonge déclare le contraire pour sa province. Les élèves de l'ITAB Karuzi n'ont pas encore commencé les cours, même s'ils ont été accueillis à l'internat. Cet établissement doit plus de 40 millions de francs burundais à ses fournisseurs en vivres. Et puis les matelas ne suffisent pas non plus. Et une quarantaine de véhicules de transport des biens et des personnes ont été saisis par la police spéciale de roulage pour non-conformité aux normes techniques de circulation. C'est une campagne qui ne fait que commencer, nous dira le commandant de cette unité spécialisée de la police. Vous n'avez pas Isangani lo ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. La population habitant Mugoboka du quartier Mutanga Sud, nous sommes en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, craint que l'épidémie de choléra ait déjà déclaré dans cette localité. Deux personnes sont mortes en effet ce matin à l'hôpital Prince Régent Charles. Il s'agit d'une femme et d'une jeune fille de 18 ans. Les symptômes du choléra étaient visibles chez les deux victimes qui n'ont pas fait 24 heures après la déclaration de la maladie, comme le confirme cet habitant de Mugoboka qui lance un cri d'alarme au ministère de la Santé pour leur venir en aide. Il y a une épidémie de choléra ici dans notre quartier Mutanga Sud, 6 dans le secteur Mugoboka 1 et Mugoboka 2. Où il y a eu deux victimes, une dame qui habite à Mugoboka 2 et une autre fille qui étudie à l'école secondaire Mugoboka 1. Tous ils sont mortes. La première dame s'appelle Ndakarutimana Généreuse, âge de 58 ans. L'autre s'appelle Ndakarutimana Emeline de Mugoboka 1. Alors tous sont morts. Maintenant ils sont dans l'hôpital Prince Régent Charles. Et ils sont allés à l'hôpital Loakaret. À l'hôpital Loakaret, on les a chassés. On a dit qu'à l'hôpital Loakaret, il n'y a pas de médicaments pour le choléra. Ils les ont envoyés à l'hôpital Prince Régent. Alors c'est là où nous avons trouvé les deux victimes, là, à l'hôpital Prince Régent Charles. C'est pourquoi que nous lançons un cri d'alarme pour nous venir en secours. Pour venir donc donner un secours dans des ménages, parce qu'il y aura aussi d'autres personnes qui pourront être attrapées par l'épidémie aussi. C'est pourquoi que nous lançons un cri d'alarme, de venir nous rendre visite, de voir comment protéger les gens qui restent. Sinon, parce que nous avons un grand problème aussi, on n'a pas d'eau potable, on utilise de l'eau de la rivière Ntahangwa. Et vous savez que la rivière Ntahangwa est totalement sale. C'était un habitant de Mugoboka. Le ministère de la Santé avait dit qu'il n'était pas encore au courant de cette déclaration probable du choléra à Mugoboka et avait promis de s'exprimer dans l'après-midi après la réunion qui se tient tous les jours à 14h pour voir l'état des lieux de cette épidémie dans le pays. Mais l'on n'a pas eu cette réaction. Une personne est morte et deux autres blessés, foudroyés à la mi-journée de ce mercredi sur la colline Nyavzamo, en commune et province Bururi. Les sources sur place à Kabengera, sur cette même colline, confirmées par la police à Bururi, indiquent que des coups de tonnerre qui ont précédé une intense pluie sont à l'origine de ces dégâts. Les blessés ont été référés à l'hôpital régional de Bururi après les premiers soins reçus au centre de santé de Nyavzamo. Gervais Niyongabo, c'est le président du parti FEDES, Sangira. Il a été arrêté par la police ce mercredi en commune Nyanzalak de la province Makamba sur ordre du procureur près la cour d'appel de Bujumbura. Cette information est confirmée par le porte-parole de la police nationale. Pierre Ngurikiye précise qu'il est accusé de participation aux bandes armées et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il est maintenant détenu au cachot du service national de renseignement, selon toujours Pierre Ngurikiye. Suivez-le. Nous sommes au courant du cas parce que la personne a été appréhendée par la police, au nom de laquelle je parle. Il a été appréhendé sur mandat du procureur général près de la cour d'appel de Bujumbura et il est accusé de participation aux bandes armées et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et après son arrestation, il a été directement conduit à Bujumbura. Il est maintenant gardé à vue au cachet du service national de renseignement et est en train d'enquêter sur ça. Une certaine opinion dit qu'il a été arrêté alors qu'il était dans un atelier. Quelle est cette ressemblance entre son motif d'arrestation et les activités qu'il était en train de mener? Il était dans un atelier qui avait été organisé par la bonne gouvernance et PNUD. L'activité qu'il était en train de mener n'a rien à voir avec le motif de son arrestation, à moins que l'enquête le prouve. Sa famille est propre et sa famille est politique qui disent que le mandat d'arrestation ne lui a pas été montré, c'est vrai? Le mandat de son arrestation lui a été bel et bien montré. Il a lu lui-même et il a vu le motif de son arrestation. Et après, alors, il a été appréhendé. C'était Pierre Ngouri qui est porte-parole de la police au téléphone avec Mireille Kanyang. Et dans la famille politique de Gervais Niyongabo, le Sénared, ils disent n'être pas au courant des motifs d'arrestation alors qu'il était en mission de travail. Léon Sngendakoumana déplore, pour le compte du Sénared, que le mandat de l'arrestation ne lui a pas été montré. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas exactement les mobiles de son arrestation, mais nous les devinons. Pourquoi? Parce que l'ingénieur Gervais Niyongabo était en mission de travail pour le compte de l'État burundais, fait partie de l'inspection générale de l'État. Il était à Makamba. Il a été arrêté vers 16h par un véhicule pick-up. Ce qui était sur le lieu nous ont appris qu'il s'agit d'un véhicule qui se trouve dans la garde présidentielle. On s'interroge franchement. Il a été tout de suite acheminé à la documentation alors qu'on disait que c'est la cour d'appel qui le cherchait. Comme il travaille sur des dossiers sensibles, des dossiers en rapport avec la corruption, des dossiers en rapport avec les malversations économiques et financières, et que ces dossiers, quel rapport des enquêtes qu'ils font sont gérés à la présidence, nous, on avait cru qu'effectivement, il s'agirait de ces dossiers et que la cour d'appel aurait constaté une anomalie certainement dans ces enquêtes. Mais à notre plus grande surprise, c'est que maintenant, il se trouve au service national de renseignement et à sa charge, on dit qu'il collabore avec les mouvements politiques armés. On connaît l'astuce. Le code de procédure pénale est très clair en matière d'arrestation des gens. Ça veut dire que celui qui établit l'acte d'arrestation indique la qualité et la fonction de la personne qui convoque celui qui est arrêté, mais en même temps indique la nature de l'infraction. C'était Léon Sengendakoumana au nom du Sénared. L'audience en chambre de conseil en Ngozi des 18 sous-officiers militaires et policiers accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État n'a pas eu lieu ce jeudi comme initialement prévu. Elle a été reportée pour mercredi prochain sur demande des avocats de la défense. Apollinaire Mozagara. Les sous-officiers de la police et de l'armée burundaise n'ont pas été auditionnés comme prévu en chambre de conseil. Ce sont leurs avocats qui l'ont demandé, arguant qu'ils n'ont pas eu un temps suffisant de parcourir tout le dossier, nous a révélé un de ces derniers. Cette audience en chambre de conseil a été alors reportée pour ce mercredi proche. Selon toujours la même source, des hommes en uniforme sont accusés de détention illégale d'armes et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Pour rappel, 15 de ces 18 sous-officiers sont locataires de cette maison de détention d'Ngozi depuis une semaine et 3 autres y ont été acheminés il y a 2 jours. Le siège était composé des juges du tribunal de grande instance de Mukaza en mairie de Bujumbura. La séance de ce jeudi s'est tenue à huis clos dans les locaux de la même prison pour hommes d'Ngozi. Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Et un couple conjugal de Marwa en commune Nyabitsinda de la province de Ruyigi est sous les verrous depuis ce mercredi au cachot du commissariat de police à Ruyigi. Les deux membres du FNL, le pro-Agaton Gwasa, sont poursuivis pour détention illégale d'armes à feu. Mais le député Pascal Bizumuremi, membre de cette formation politique, dit qu'il s'agit d'un montage. Jean-Claude Chimiriman. Le nommé Eliezer Ndachimier et son épouse Espérance Habonimana, résidant à Mahago en commune Nyabitsinda de la province Ruigi, sont ceux qui ont été placés en détention ce mercredi après-midi au cachot du commissariat de police à Ruigi. Le commissaire provincial de la police dit que Espérance Habonimana a été arrêtée pour une affaire de détention illégale et d'armes à feu à la place de son mari qui était resté introuvable, mais il précise que Eliezer Ndachimier s'est par après présenté lui-même à la police. Il indique en outre que Eliezer Ndachimier a été pointé du doigt qu'il possède en fusil par un certain Ondas Ndaïsaba, résident lui aussi à Mahago. Celui-ci a remis volontairement un fusil qu'il avait illégalement et a livré à la police des informations sur d'autres personnes qui ont reçu des fusils pour perturber la sécurité en commune Nyabitsinda, a indiqué le commissaire provincial de la police. Néanmoins, pour le député Pascal Bizumuremi, élu dans la province Ruigi sur la liste de la coalition Amis Royal Barundi, l'arrestation de ce couple résulte d'un pur montage développé pour dissuader les membres du parti FNL fidèles à Agathon Rwasa. Selon lui, Léonidas Ndaye Sava n'a pas remis volontairement le fusil, mais plutôt il a été attrapé en possession illégale de son fusil, mais il n'a pas été traduit en justice. À cet effet, il dit que ses charges contre qui que ce soit sont douteuses, puisqu'il est au service de ceux qui veulent détruire le parti FNL pro Agathon Rwasa. Le député Pascal Ibizmoulemi demande que ce couple qu'il qualifie d'innocent soit libéré dans l'intérêt général de tous les Burundais. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans la suite de ce journal, plus de 20 000 Burundais ont fui le pays au cours des mois de juillet et août de l'année en cours. Le constat émane du Haut Commissariat des réfugiés qui précise que la majorité de ces personnes proviennent de cinq provinces, dont la ville de Bujumbura. Le document produit par l'OHCR mentionne que le nombre de ceux qui ont déjà quitté le pays dépasse actuellement 300 000. Le point avec Léonce Vitalio qui nous a lu ce document. Dans son communiqué sorti la semaine dernière, l'OHCR reconnaît que le nombre de départs n'est pas aussi élevé de manière générale qu'en 2015, mais qu'il y a eu un flux constant cette année. Pour les seuls mois de juillet et août derniers, plus de 20 000 Burundais sont partis vers les pays voisins. Le nombre de ceux qui ont fui depuis avril de l'année dernière dépasse 300 000, selon encore le document qui précise que la majorité de ces personnes fuient les provinces de Kirundo, Makamba, Cibitoke, Rumonge et la ville de Bujumbura en quête d'asile ou de protection internationale. L'OHCR craint que les pays voisins, dont la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la RD Congo, de même que les organisations humanitaires comme l'OHCR lui-même, rencontrent des difficultés pour continuer à fournir des abris, une protection et des services essentiels suffisants. Les capacités d'accueil de ces pays sont débordées et la situation reste très difficile pour de nombreux réfugiés qui comptent une majorité de femmes et d'enfants, a déclaré le porte-parole du HCR à Genève vendredi dernier. L'OHCR appelle la communauté internationale à poursuivre ses efforts de paix et à renforcer son soutien aux pays d'asile, en particulier dans les domaines des abris, des services de base, de l'éducation, de la santé et des moyens d'existence, poursuit le communiqué. Merci Léon. C'est le gouverneur de Rumonge, l'une des cinq provinces dont parle le HCR, dit qu'il n'y a personne qui est en train de fuir. Juvenal Wigilimana parle plutôt du mouvement inverse, que les habitants du sud, ceux de Rumonge en particulier, sont en train de rentrer au pays. Plus de 3500 sont déjà rentrés depuis le mois d'août dernier. Suivez Juvenal Wigilimana, traduit en français par Léonce Vitalio. Je voudrais vous dire que ce sont des mensonges car, au lieu de fuir, les Burundais sont en train de rentrer. À Rumonge, ceux qui sont rentrés sont à 3566 en 7 ans. Au mois d'août dernier, ils étaient à 2870. Aujourd'hui, ils sont à ce chiffre, 3566, sans compter ceux qui sont rentrés hier. Comment est-ce qu'on peut dire que les gens sont en train de fuir alors que nous ne voyons que le mouvement inverse? Ils sont en train de rentrer et nous sommes en train de travailler avec des agents du HCR ici sur le terrain. Où est-ce qu'ils voient des personnes qui fuient? Je sais que le HCR ne peut pas montrer des noms des personnes qui fuient. Ainsi, ici au sud, chez nous à Rumonge, j'affirme qu'il n'y a personne qui est en train de fuir. Personne. La dernière fois que j'ai appris cela, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer. Et je vous l'avais dit dans les titres, une quarantaine de véhicules ne remplissant pas les conditions techniques de circulation ont été saisis ce jeudi. Ces véhicules sont en grande partie ceux qui assurent le transport des biens ou des personnes, comme l'a précisé le commandant de la police spéciale de roulage. Alfred Mousseremou indique que ce travail va continuer pour que les véhicules en mauvais état ne puissent pas continuer à circuler alors qu'ils causent beaucoup d'accidents. Suivez-le. Aujourd'hui, on a saisi une quarantaine de véhicules qui sont ici. La plupart de ces véhicules sont des véhicules affectés au transport rémunéré. Ce sont des véhicules le plus souvent en mauvais état. Le problème que présentent ces véhicules, c'est que leur état défectueux occasionne souvent des accidents de roulage. Et il y a aussi l'apparence de ces véhicules et le confort des passagers qui utilisent ces véhicules. Et donc, si on observe les véhicules qui circulent dans la voie publique, on peut se faire l'idée de ce qu'est le pays en général. Donc, c'est pourquoi chaque fois que nous voyons des véhicules qui peuvent influer négativement sur l'image de notre pays, nous devons les retirer de la circulation. En plus, la sécurité routière n'a pas de prix. Tout véhicule en mauvais état doit être transigé une amende de 50 000 francs, comme prévu par le code de circulation routière. Et après cette transaction d'amende, on va dresser un procès verbal qu'on va donner au propriétaire du véhicule. Et il va amener son véhicule dans un garage pour réparation. Lorsqu'il aura fini de réparer sur son véhicule, il va l'amener à l'Otraco. L'Otraco va alors, après les examens, nous dresser un nouveau procès verbal qui va nous dire si le véhicule est apte à circuler sur la voie publique ou pas. Alfred Mousseremo, c'est le commandant de la police spéciale de roulage. Éducation, au quatrième jour de la rentrée scolaire, certains établissements secondaires de la province scolaire de Carousie connaissent encore des problèmes liés à l'insuffisance de livres et d'autres matériels. C'est notamment à l'ITAB ou Carousie où il y a aussi un criant de matelas, mais aussi cet établissement est criblé de dettes envers ses fournisseurs en vivres. Blaise Pascal Carroumillet. À l'Institut technique agricole de Carousie, ITAB de Carousie, de la province scolaire de Carousie, jusqu'au quatrième jour, les élèves de la première année de l'école post-fondamentale n'ont pas encore débuté les enseignements, même s'ils ont été accueillis au niveau de l'internat. Cela s'observe aussi au niveau des autres écoles, comme Abouhiga et Agnavikere de la province Carousie. Les directeurs de ces écoles expliquent qu'ils n'ont pas encore eu les livres d'élèves ou les livres des professeurs, mais aussi les programmes que ces élèves vont suivre. Cela est indiqué par le directeur de l'ITAB Carousi, qui indique que les enseignants de cette école attendent encore la formation pour ces enseignants de la première année technique. À cette école, on parle aussi de l'insuffisance des matelas, où deux enfants dorment sur un morceau de matelas, environ quatre enfants pour un matelas. Ce problème d'insuffisance de matelas a été évoqué même au niveau de l'Assemblée nationale, après qu'une commission de l'Assemblée nationale ait été sur place à cette école de l'ITAB Carousi et a pu constater que les élèves n'ont pas de matelas. Le directeur de cette école demande au gouvernement de donner à cet établissement des matelas, tout en signalant qu'aussi ils ont un problème de fourniture. Signala que les fournisseurs de vivres n'acceptent plus d'amener leurs vivres en indiquant que l'ITAB Carousi a acquis une dette de plus de 40 millions de francs burundais envers ses fournisseurs. Depuis Carousi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, le président des Seychelles a annoncé sa démission qui sera effective dès le 16 octobre prochain. Sa démission surprise intervient après la défaite de son parti, le peuple en créole, aux élections législatives début septembre. Depuis le retour du multipartisme en 1993, c'est la première fois que l'opposition obtient la majorité au Parlement. À 72 ans, James Michel, au pouvoir depuis 2004, sera remplacé par le vice-président Danny Ford, âgé de 54 ans. Ce dernier prêtera serment le jour de la démission effective de James Michel. Après 12 ans au pouvoir, le président James Michel a estimé que le moment était venu de passer la main à un nouveau dirigeant. Soudan, Amnesty International publie ce jeudi 29 septembre 2016 un rapport sur l'utilisation par Khartoum d'armes chimiques dans la région du Jebel Mara, dans l'ouest du Darfour. Amnesty a utilisé l'image satellite et a contacté des témoins des rescapés de ce huis clos, car la région est bouclée, interdite à tout regard étranger. Amnesty a soumis tous les documents recueillis, images, témoignages, à deux experts indépendants des armes chimiques. Leurs conclusions confirment la présence d'agents comme le gaz moutarde et ses terribles variantes. Amnesty exhorte aujourd'hui les Nations Unies à mener elle aussi son enquête. Et après le général Kanyama en juin, les États-Unis viennent de sanctionner deux autres généraux congolais pour leur comportement répressif à l'égard du peuple de la RDC, la République démocratique du Congo. Ce sont cette fois les généraux Gabriel Amissi Kumba, dit Tango Fort, et John Numbi Banza Tambo qui sont dans le collimateur de Washington. Le département du Trésor vient de geler leurs avoirs éventuels aux États-Unis. Et il est interdit à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec eux. Le général Amissi Kumba est accusé d'avoir commandé les forces armées pendant la répression des manifestations politiques, notamment à Kinshasa. Les militaires avaient usé de la force de façon excessive, particulièrement en janvier 2015. Quant au général Numbi, ce sont les manœuvres d'intimidation qu'il a utilisées en période électorale en mars afin d'assurer la victoire des candidats affiliés au parti de Kabila. Il avait menacé de tuer ceux des autres partis qui refuseraient de se retirer volontairement. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer.